imaginez. Il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui refuse de mentir. Imaginez un type qui vous dit qu'il ne faut jamais mentir. Que c'est le devoir formel de l'homme envers chacun. Si je mens, dit Kant, si je mens, j'anéantis la possibilité même de la confiance. Et je commets une injustice à l'encontre de l'humanité en général. À l'encontre de l'humanité. Parce qu'on est tous un peu en quête de savoir, qu'on veut l'entendre de vive voix, on veut y croire, on veut la voir, on veut la voir telle qu'elle est, qu'elle soit pesante, crue, parfois cruelle. Un sentiment mêlé soulève un doute scellé, souvent génère un goût amer pour les sensibles, des larmes salées. Certains la gobent de travers, ont du mal à l'avaler. Que tu la reçois dans le dos ou de face, tu veux faire le beau, elle peut te plier, comme elle peut te blinder ou te rendre plus féroce. Elle est difficile à cacher, à cracher, te faire partir dans le ou dans les cachets. Elle n'est pas toujours bonne à dire, surtout quand t'as des proches à préserver. Tu peux la conserver, la cultiver dans ton jardin secret. Tu rêves si tu penses la voir désertée, rare de trouver la paix quand dans la mort d'autres l'ont emportée. On cache la vérité, tu peux la vérifier. On vient sauver le mystère pour que tu vois plus clair. Y'a plus de face voilée, si t'as du mal à la garder, à la regarder, elle fera mal un jour ou l'autre. Lâche-la si tu cherches la pérennité. On cache la vérité, tu peux la vérifier, tu peux la confier dans sa bonté ou sa cruauté. Et ça, ouais, ça c'est la vérité. Sortant de la bouche d'une femme, ouais, elle a l'air humaine. Elle est dans le regard des gens, elle te fait passer pour un énergumène. Elle me fait avancer, parfois décale trop ma vie. Donc je l'archive sous forme de texte ou des calcomanies. Des fois je parais satirique, autant pour moi si ça t'irrite. C'est pas de ma faute, c'est elle, pas moi. Même si parfois c'est fatidique, elle est dans les yeux de tes parents, tout comme dans ceux du videur. Quand ça tourne pas rond, je la trouve au fond du grinder. Elle m'a fait répandre la peste façon Nosferatu. Souvent j'écris de tête car j'ai trop fait de rature. Je reste péchu chaque fois qu'elle parle de consensus. Pourtant ça me rend malade, encore inconscient de plus. Elle est biscornue pour la mère, voyant le père qui tapait leur fils distordu. Dès qu'elle est sur le faciès d'Alex Murphy, bref, elle est cachée dès qu'il s'agit qu'on vit valider, qu'elle devienne exclusive en pleine convivialité. On tâche la vérité, tu peux la vérifier. On vient sauver le mystère pour t'y voir plus clair. Y'a plus de face voilée, si t'as du mal à la garder, à la regarder, elle fera mal un jour ou l'autre. Lâche-la si tu cherches la pérennité. On tâche la vérité, tu peux la vérifier, tu peux la convivialiser dans sa bonté ou sa cruauté. Et ça, ouais, ça c'est la vérité. On tâche la vérité, tu peux la vérifier. On vient sauver le mystère pour t'y voir plus clair. Y'a plus de face voilée, si t'as du mal à la garder, à la regarder, elle fera mal un jour ou l'autre. Lâche-la si tu cherches la pérennité. On tâche la vérité, tu peux la vérifier, tu peux la confier dans sa bonté ou sa cruauté. Et ça, ouais, ça c'est la vérité. Imaginez plus modestement, moins gravement, que votre meilleur ami vous remette le manuscrit qu'il a mis 20 ans à écrire et que le texte est très mauvais, malheureusement. Qu'est-ce que vous lui dites? Les gens qui ne mentent jamais, qui soit se servent de la vérité pour se venger, soit sacrifieraient le monde à leur bonne conscience. Les hommes ont droit à la vérité, bien sûr, mais tout homme a aussi droit au mensonge qui le réconforte.